Bonjour Valérie Peugeot. Bonjour. Nous sommes au Women's Forum et tu viens de participer en tant que speaker à une table ronde sur l'innovation ouverte et la propriété intellectuelle. Exactement. Est-ce que tu peux te présenter un peu plus, s'il te plaît ? Alors, moi, je suis multicasquette. Je travaille à Orange Labs, dans un département dédié aux sciences humaines et sociales, où je suis en charge des projets de prospective. Par ailleurs, je suis aussi vice-présidente du Conseil national du numérique, où je travaille en ce moment beaucoup sur les questions d'inclusion numérique. Et puis, je suis aussi impliquée dans toute une série d'associations, et plus particulièrement dans une association qui s'appelle VECAM, et qui milite autour des enjeux sociaux et politiques du numérique, et notamment qui essaye de promouvoir les communs du numérique. D'accord. Et pendant cette table ronde donc, sur l'innovation ouverte et la propriété intellectuelle, avec toutes les choses que tu peux observer, avec ces différentes casquettes que tu as, de quoi as-tu parlé pendant cette conférence et quel est ton point de vue par rapport à l'innovation ouverte et les choses peut-être qui ne vont pas actuellement et ce que l'on a amélioré ou vers quoi on doit tendre ? Je pense que le premier point que j'ai soulevé pendant la table, c'était le fait qu'il y avait une compréhension de ce qu'est l'innovation ouverte, qui en réalité couvre toute une série de concepts très très différents les uns des autres, avec des degrés de coopération, d'ouverture entre les personnes qui participent d'un projet d'innovation ouverte qui varie très très considérablement. Et ça, on l'a senti même pendant la table, parce qu'il y avait une des intervenantes qui avait une approche de l'innovation ouverte pas très ouverte. Voilà. En fait, on s'aperçoit qu'il y a des projets qui autrefois auraient été des relations contractuelles classiques, de sous-traitance, qui en fait maintenant on requalifie en partenariat d'open innovation. Voilà. Ça fait mieux. Bon, ça fait joli. Il y a des choses très intéressantes de ce qu'on peut appeler de la coopétition, entre des compétiteurs qui à un moment décident de repousser le champ de la compétition, de la mettre de côté sur un segment de la chaîne de valeur, puis ensuite de retrouver de la compétition en aval de la chaîne. Notamment, on le voit pas mal dans le domaine pharmaceutique où il y a des tels besoins d'investissement financier lourd qu'on est obligé de se mettre à plusieurs pour investir. De l'avantage compétitif à collaborer finalement. Voilà, exactement. Et puis on voit aussi beaucoup de plateformes dites d'innovation ouverte qui se mettent en place, qui permettent à des entreprises d'aller chercher de l'intelligence dans la foule. Plutôt de l'innovation crowdsourcée. Donc ça existe de plus en plus, à la fois dans la science, dans l'innovation, y compris dans du design, dans des tas de domaines. Il y a également ce qu'on peut appeler de la co-création avec les clients, qui est une autre approche. On a vu par exemple Danone mettre en place un dispositif pour faire de la co-conception avec Dassault de pots de yaourt avec ses clients. Enfin, il y a des choses assez amusantes. Et puis, un domaine à la limite de l'innovation ouverte, mais qui pour moi est probablement le plus important, qui est ce qu'on pourrait appeler l'innovation ascendante, ou la science participative, c'est des domaines qui se jouxtent, où là, ce sont les personnes bénéficiaires des fruits de la découverte ou de l'innovation qui se prennent en charge, qui se construisent du pouvoir d'agir, de l'empowerment en anglais, pour mettre en place les processus de recherche ou d'innovation dont ils ont besoin pour répondre à leurs propres nécessités. Donc voilà, tout ça, on pourrait le mettre sous le terme parapluie d'innovation ouverte.